Dossier 3. Leçon 1. Profil. Activité 9. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle candidate pour notre jeu radiophonique. Je salue Cécile. Bonjour. Cécile vient de Bruxelles. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cécile ? Je travaille dans la mode. Styliste, peut-être ? Vous créez des vêtements ? Non, je les photographie simplement. Ah, vous êtes photographe ! Et vous travaillez pour quel magazine ? Pas de magazine particulier. Je suis très indépendante et j'aime organiser mon temps librement. J'imagine que vous sortez beaucoup ? Non, pas vraiment. En fait, je fais partie d'une équipe de football féminin. Et finalement, mes loisirs, c'est le football. Et puis, ah oui, je joue de la guitare aussi. Oh, artiste et sportive. Bravo. Et maintenant, place à notre jeu.